Alors, prince, c'est oui ou c'est non? Je ne peux pas vous répondre tout de suite, Aglaé. Je dois d'abord réfléchir. Oh, je sais que je serai bien chez vous. Ce n'est pas cela qui me fait hésiter à accepter votre hospitalité. Mais il n'y a pas que moi, il y a tous les autres. Et en déménageant chez vous, j'abandonne les autres. Or, ils ont besoin de moi. Non, je m'explique mal et je me montre ingrat à vos yeux. Je vous froisse peut-être. Pardonnez-moi, j'ai beau vouloir être agréable à tout le monde, je ne fais que blesser et irriter. Incapable que j'étais d'expliquer mon refus de venir loger chez la générale Yepanchine, je me tue. Je pensais une fois de plus que j'étais un étranger dans ce monde, où tout est réglé d'avance et sanctifié par l'usage et par le temps. Je me sentis triste et surtout vulnérable. Je fermai les yeux avec fatigue. Lorsque je les rouvris, je vis la générale Yepanchine debout. Elle avait l'air maussade. Autour d'elle, ses trois filles. Elle s'apprêtait à partir. Les Bedef leur avaient déjà ouvert la porte. Une vague de désespoir balaya mon cœur. Au nom du ciel, ne me gardez pas rancune, Elisabeth Prokofievna. Je sors d'une crise, je suis fatigué. Et je ne jouais pas tout à fait de ma raison, sans doute. Laissez-moi quelque temps pour me retrouver. Et ensuite, j'accourrai vers vous comme on accourt vers une mère qu'on a délaissée. C'est maintenant ou jamais, prince. Pour le moment, je dois rester ici, chez les Bedef. Par ailleurs, ma conscience me commande de venir en aide à cet infortuné garçon, Bourdovski. Bon, à ce beau rien, à cet escroc qui a essayé d'exercer un chantage sur vous. Je dois également aider à se relever cette malheureuse, Nastassia Philippovna. Oh, cette sale intrigante, cette catin pour tout dire. Et Parfen Rogojine qui patauge dans la boue mais cherche la lumière. Ce moujik mal dégrossi, qui ne sait pas quoi faire de son argent. Ce misérable qui, dans une crise de jalousie abjecte, a failli bouter avec son couteau. Et puis, il y a Lebedev qui m'a accueilli ici, chez lui, et qui a 10 orphelins à sa charge. 9, prince. Cette canaille de Lebedev, qui vous a attiré ici pour mieux vous délester votre héritage. Mais c'est inouï, prince. Mais dois-je vraiment convenir que vous êtes idiot? Je ne crois pas que je le suis, mais si cela peut apaiser votre rancune, je veux bien passer pour terre. Enfin, ça suffit, prince. Moi, je m'en vais. Je m'en vais avec mes filles. Au moins, vous suis-je reconnaissante de vous être montrée sous votre vrai jour. Je ne vous dis pas au revoir, car nous ne nous verrons plus. Et la générale Yepanchine, accompagnée de ses trois filles, se rua vers la sortie. Mais Aglaé, sa fille cadette, hésitait à abandonner la pièce. Une expression d'étonnement et de tendresse, peut-être, était peinte sur son beau visage. Elle haussa soudain les épaules et s'approcha tout près de moi. Prince, si vous n'abandonnez pas à l'instant tous ces gens ignobles et ne nous suivez pas, je vous haïrai toute ma vie. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adieu, prince. Et voilà, elle est partie aussi, la gentille Aglaé Ivanovna. Et pourquoi est-elle partie, prince? Parce qu'elle vous aime. Cela lui faisait trop de peine de vous voir tromper, ridiculiser et voler par des vers de terre, par des larves humaines. J'aurais dû peut-être vous pousser à accepter l'hospitalité de la générale Yepanchine, mais je n'en ai rien fait. Et pourquoi? Parce que de toutes les canailles qui gravitent autour de vous, je suis la plus vile. Oh, sortez, monsieur Lebedev, laissez-moi, je vous en prie, j'ai besoin de solitude. Pas avant de vous avoir dit ce que je pense de moi, prince. Oh non, partez, monsieur Lebedev, je suis à bout de patience. Je manquerai forcément d'indulgence à votre endroit. Mais ce n'est pas votre indulgence que je sollicite, prince. C'est votre condamnation, votre mépris, votre colère que je quémande. Car sachez que c'est moi qui le premier ai soufflé à Bourdovski qu'il était le fils illégitime de votre bienfaiteur, monsieur Pavlitchev. C'est encore moi, lorsque ce jeune nigaud a cru à mes paroles, qui l'ai conduit chez cet homme d'affaires véreux, monsieur Tchebarov. Oh, de grâce, monsieur Lebedev, de grâce, arrêtez-vous là. Vos confidences me privent de ce qui me reste de force. Et elle m'enlève tout désir de vivre. Pardonnez-moi, prince. Je suis plus bas que cette terre où nous piétinons sans savoir pourquoi et comment. Je me retire en baisant les traces de vos chaussures. Vous êtes un saint, prince. Vous êtes l'agneau immolé par Dieu sur l'autel de son contraire, le maître du mal. Après le départ de Lebedev, je demeurai longtemps sans pensée ni désir. Le soir vint. Une sensation de dépaysement, ou plutôt de non-existence, s'empara de moi. Je me levai et sortis. Dehors, je longeais une rue après l'autre, incapable de les distinguer, incapable aussi de concentrer mon attention sur un sujet quelconque. J'eus tout à coup envie de tout abandonner et de repartir pour la Suisse. Je pressentais avec une acuité singulière que si je devais rester à Saint-Pétersbourg, je serais vite dévoré par la société dont, à mon corps défendant, je faisais partie. Mais mon désir de me réfugier dans un petit village suisse ne dura que quelques minutes. Je me rendis bientôt compte que je ne pouvais pas le faire. Et je pris le parti de rester en Russie et de lutter pour le bonheur des autres. Je rebroussais lentement chemin et je regagnai ma chambre. Lorsque j'allumai une bougie, je vis assis dans un fauteuil le boxeur Keller, un des acolytes de Parfait Rogojine. Prince, vous pensez sans doute que je viens vous voir de la part de Rogojine, en proie aux remords. Ou encore de la part de Nastassia Philipovna, elle en proie à la folie. Vous vous trompez. Je me suis permis de vous rendre visite uniquement pour vous raconter ma vie. Je suis flatté, mais est-ce vraiment nécessaire, monsieur Keller? Peut-être pas. Mais voilà, je suis un homme sans morale, prince. Il est extrêmement difficile de vivre lorsqu'on n'a pas d'estime pour soi-même. Évidemment, monsieur Keller, évidemment, mais qu'espérez-vous de moi? Que vous me remettiez sur le droit chemin. Que vous m'aidiez à redevenir un honnête homme. Mais d'abord, il faut que je me confesse à vous comme à un prêtre. C'est inutile, monsieur Keller. Votre vie, vos égarements ne me regardent pas. Comment cela? Vous êtes une personne vertueuse. Vous ne pouvez pas vous désintéresser de celui qui vit dans le péché. Écoutez, prince. Jadis, j'avais des principes sévères. J'étais amoureux de la pureté. Évidemment. Bien, vous êtes venu pour m'emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Alors dites-moi votre chiffre. Ne perdez pas votre temps en préambule et ne me faites pas perdre le mien. C'est ainsi que vous déroutez chacun, prince. Vous faites montre d'une naïveté, d'une innocence dont il y a peu d'exemples. Puis soudain, vous transpercez l'homme qui est devant vous comme avec une flèche. Vous êtes un grand psychologue, prince. Rien n'échappe à votre analyse. Je suis bouleversé. Votre chiffre, s'il vous plaît, monsieur Keller. Certes, mon but final était de vous emprunter de l'argent. Mais je ne me suis pas fixé de chiffre. Eh bien, fixez-en un. Ce n'est pas pressé. Permettez-moi d'abord de vous demander si cela ne vous révolte pas que je veuille vous emprunter de l'argent. Mais non, pourquoi? Ah, moi, cela me révolte. Croyez-moi ou ne me croyez pas, en me rendant chez vous, je voulais vraiment me confesser à vous. Et essayer de me relever. Mais, en cours de route, une idée infernale m'est venue à l'esprit. Pourquoi ne pas demander de l'argent au prince après m'être confessé à lui? Qu'en dites-vous, prince? Avez-vous déjà rencontré une pareille bassesse d'âme? Mais combien, je vous en prie? Pour ma punition, et pour bien vous montrer mon repentir, je ne vous emprunterai pas 150 roubles comme j'avais pensé le faire. Donnez-moi seulement 25 roubles. Ce doit être les bénéfices. Passez-moi vite un billet de 25 roubles. Car les bénéfices présents, il vous sera impossible de me donner même un copec. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Jean-Jacques Delbault, Lebedev, Ginette Taffin, Aglaé, Georges Géret, Keller et Gaby Morlaix, la générale Yepanchine. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.